Question, qui veut le brassard de capitaine? C'est Louis. L'Alger? Mais là, mon gars. Hey, il est pour l'Algérino, les gars. L'Algérino va être notre numéro de Jessamy. Écoutez-moi bien, pas de fatiguer. Vous paraît-il, ils se sont fait déchirer 18-0 il n'y a pas longtemps? Ouais. Oh, aujourd'hui, il n'y a pas de ça, les gars. On arrache le gazon. C'est bon? C'est fini l'hibernation, la congélation, c'est les sensations, baba. L'Alger, les petits dans le port, sans permis dans la cité. T'arrêtes pas y aller par, la juge va pas t'acquitter. Rolex en or, Christian Dior sort de l'hôtel. Elle plus jamais je la sors, elle a vidé la bouteille. Ouais ouais. Madame veut papoter, ça sent le boulerin bébé. Je recharge en USDT. Force pas sur la vodka, mets-toi sur le bas côté. Non, c'est pas le Dakota, c'est Marseille ma beauté. Sans permis dans la cité, t'arrêtes pas y aller par. La juge va pas t'acquitter. Rolex en or, Christian Dior sort de l'hôtel. Elle plus jamais je la sors. Fait les mèches, les talons. Dans l'audi, elle tape des ballons. Des bonbons toute la night. Mais t'inquiète pas, mi amor. Pour toi, j'donnerai mi vida. J'finis derrière le mirador. Y'a les stupes dans la Skoda. Le guetteur a donné l'alerte. Un soir de plus sous la luna. Pour oublier, j'fume de la verte. La façon, on a rien à perdre. Faut la baraque vers la mer. Dans la merde, y'avait que ma mère. Alors, ma race, tu te rappelles de moi? Ouais, personne m'a fait la passe. Ils préfèrent tirer de loin, mais c'est pas de ma faute à moi. Y'a trop de chétanas, et j'respecte pas la loi, mais j'respecte la maman.